إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور. Nous allons poursuivre, incha'Allah ta'ala, l'explication du livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au 10e hadith du chapitre des eaux. Donc ce hadith est le hadith de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré rapporte, un bédouin urina dans un coin de la mosquée. Les gens le rabrouèrent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur demanda de cesser. Lorsqu'il eut fini d'uriner, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna qu'on apporte un seau d'eau, qu'on versa sur l'urine. Le hadith, il est authentifié par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc ce hadith, ikhwani fillah, il est d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré. Et sa kunya est Abu Hamza. La kunya de Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, est Abu Hamza. Et Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a de nombreux mérites. Et il est certes impossible de tous les mentionner. Mais nous allons en mentionner quelques-uns, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le premier mérite, il était le servant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car sa mère, Umm Sulaym, qu'Allah l'agré, vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour et lui dit: voici Anas, il va te servir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et Anas fut le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Le deuxième mérite est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué et il a beaucoup profité de sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toutes ces années. Le troisième mérite est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. D'après Anas ibn Malik lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, augmente ses biens, ses enfants et mets la bénédiction dans ce que tu lui donnes. Le quatrième mérite, c'est qu'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il était l'un des compagnons dont la prière ressemblait le plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'imam Ahmed rapporte dans son Mousnad, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'il a dit, c'est-à-dire Abu Huraira, je n'ai pas vu une personne dont la prière ressemblait le plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celle du fils de Ummu Sulaym, c'est-à-dire Anas ibn Malik. Et le cinquième mérite, il était l'un des derniers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mourir. Il est mort en l'an 93 à 103 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et avant de passer à l'explication du hadith, j'aimerais attirer votre attention sur un fait majeur de la vie de Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée. Et il convient, ikhwani fillah, qu'on tire des leçons de cela. Car connaître la vie des sahaba est une bonne chose, mais en tirer des enseignements et appliquer cela dans la vie de tous les jours est mieux et plus profitable. Ce fait majeur en question est le choix que la mère de Anas ibn Malik, Ummu Sulaym, qu'Allah l'agrée, a fait pour Anas. En effet, elle a choisi de le confier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a eu un impact considérable dans la vie de Anas ibn Malik. Et ce choix a été un bien pour lui, que ce soit dans cette vie d'ici-bas et même dans l'au-delà. Et on tire de cela un grand enseignement qui est très important. Et cet enseignement, c'est l'importance pour les parents de faire les bons choix pour leurs enfants. Car le choix du parent a un impact considérable sur le futur de l'enfant. Et c'est avec tristesse que nous constatons que bon nombre de parents, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ils ne font pas les bons choix pour leurs enfants. Certains parmi eux, par exemple, privilégient la vie en terre de mécréance. Et il n'y a pas de doute que ce choix a un impact considérable sur leurs enfants. Car en terre de mécréance, les portes de la perversité leur sont ouvertes, et ceci jour et nuit. Ils y voient toutes sortes de mauvaises choses auxquelles ils s'habituent et auxquelles certains finiront par pratiquer, qu'Allah nous en préserve. Surtout si leurs parents ont fait le choix de les mettre à l'école publique, que ces parents ne viennent pas se plaindre. Si leurs enfants tombent dans des troubles, comment peux-tu mettre ton enfant dans une école dans laquelle on enseigne des choses contraires à l'islam, telles que la liberté d'expression, la liberté de penser, l'égalité des sexes, l'homosexualité et j'en passe? Ne sais-tu pas que les pieux prédécesseurs faisaient les meilleurs choix pour leurs enfants? Et ceci depuis le plus jeune âge. Ils choisissaient par exemple les meilleurs enseignants pour leurs enfants. Et dans de nombreuses biographies, on y trouve les phrases suivantes. J'ai terminé la mémorisation du Coran étant très jeune. Ou bien ce genre de phrase. Ma mère m'incitait à étudier. Et certaines mères allaient même jusqu'à vendre leurs effets personnels pour pouvoir envoyer leurs enfants étudier auprès des savants. Et malheureusement, à notre époque, ceci est devenu rare. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et ceci est la voie des salafs. Certains, malheureusement, pensent que la salafia est un vêtement que tu portes ou une nourriture que tu ingurgites. Et en vérité, ce n'est pas ça du tout. Tu te dois d'être salafi dans tous les domaines, dans la croyance, le comportement, l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, rapporte: un bédouin urina dans un coin de la mosquée. Donc, un bédouin est une personne qui habite dans un endroit reculé. Et en règle générale, ils ignorent certaines choses de la religion. Malgré qu'à notre époque, les choses ont un peu changé, surtout avec l'avancée de la technologie. Mais malgré cela, tu trouves encore beaucoup d'entre eux qui sont ignorants. Au Yémen, nous avons pu en rencontrer certains. Et il apparaît clairement qu'ils ont un manque de connaissances. Et souvent même dans les bases de la religion. L'un de nos mashaykhs au Yémen, qui n'est d'autre que notre cheikh Fahd al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde, à l'époque, il avait raconté une histoire assez frappante à ce sujet. Donc le cheikh a dit un jour qu'il s'est rendu dans un endroit assez reculé, en compagnie de certains étudiants pour prêcher pendant le mois de Ramadan, comme ceci est connu au Yémen. Les prêcheurs et les meshaïrs, ils vont en da'wa, c'est-à-dire ils vont pour prêcher pendant le mois de Ramadan. Donc lorsqu'ils sont arrivés dans l'endroit en question, donc comme on a dit qu'il était un endroit très reculé, donc les habitants de cet endroit, ils les ont accueillis d'un accueil très chaleureux, comme il est connu des Yéménites. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan et tout ce qui s'ensuit. Donc après cela, ils les ont invités à manger. Alors qu'on était en pleine journée de Ramadan. Et à ce moment-là, le cheikh dit, nous ne savions pas quoi dire. Car ils insistaient pour qu'on mange avec eux. Et à ce moment-là, tout le monde se regardait stupéfait. Puis l'un d'entre les étudiants, il leur a dit, mais nous sommes le mois de Ramadan, nous ne pouvons pas manger. Puis les habitants de cet endroit ont informé les étudiants et les meshaïrs qu'ils ne savaient pas ce que Ramadan. Allahu Akbar. Et ça nous montre que certains parmi les bédouins, même à notre époque, ils ignorent certaines choses de la religion. Et des fois même, ça peut être vraiment des choses que tout le monde connaît dans cette religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à notre cheikh Abu Abdurrahman Fahd al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte: un bédouin urina dans un coin de la mosquée. Lorsqu'il dit un bédouin urina dans un coin de la mosquée, ceci indique que ce bédouin pensait que la mosquée était comme n'importe quel endroit. C'est pour cela qu'il s'est mis dans un coin pour uriner, comme s'il était dans un endroit où il est permis d'uriner. Ensuite, Anas ibn Malik, il dit, les gens le rabrouèrent. C'est-à-dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvaient dans la mosquée à ce moment-là, ils blâmèrent ce bédouin pour qu'il arrête d'uriner dans la mosquée. Ensuite, Anas ibn Malik dit, radiallahu anhu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda de cesser. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que les compagnons l'empêchent de terminer d'uriner. Ensuite, il dit, lorsqu'il eut fini d'uriner. Cheikh Salih Ali Cheikh, Hafidhahullah, qu'Allah le préserve, Il dit à propos de cette phrase, on comprend de cela que la situation a duré et qu'il a pris son temps pour uriner. Fin de citation. C'est-à-dire que le bédouin, il est rentré dans la mosquée, il était dans la mosquée, il est parti dans un coin de la mosquée pour uriner. Et il a pris son temps. D'accord? Il a pris son temps, car pour lui, il n'y a pas de problème d'uriner dans la mosquée, car pour lui, la mosquée, c'est comme n'importe quel endroit. Ensuite, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on apporte un seau d'eau, qu'on versa sur l'urine. Et donc, les savants, ils ont tiré de nombreux enseignements de ce hadith. Le premier enseignement, c'est qu'on ne parle pas à l'ignorant comme on parle à celui qui a la science. Il convient de faire preuve de douceur à l'égard de l'ignorant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de douceur avec lui. Dans certaines versions du hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ces mosquées ne conviennent ni à l'urine, ni aux excréments. Elles sont destinées uniquement au rappel d'Allah, à la prière et à la récitation du Coran. Le deuxième enseignement, il est obligatoire d'enseigner à l'ignorant. Et il ne faut surtout pas le laisser dans l'erreur et le laisser dans son ignorance. Le troisième enseignement, l'obligation d'interdire le blâmable. Car lorsque le bédouin a uriné dans la mosquée, les compagnons se sont empressés de le blâmer. Le quatrième enseignement, et c'est un enseignement qui est très important, si la chose blâmable ne peut être changée que par une chose plus grande, alors la sagesse, c'est de ne rien dire et d'attendre plus tard pour blâmer la personne. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit aux compagnons d'empêcher le bédouin de finir d'uriner. Car ici, le mal s'est déjà produit lorsque le bédouin a commencé à uriner. Et le fait de l'interrompre va forcément lui nuire. Car lorsqu'une personne se retient d'uriner alors qu'il en a besoin, ça peut avoir un impact sur les canaux urinaires. C'est pour cela que les savants mentionnent que dans certains cas, il est préférable de retarder l'interdiction du blâmable. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous mentionne un exemple dans cela. Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, que si une personne viendrait à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa tombe, en disant: ô Mohammed, donne-moi la subsistance, ou d'autres invocations, il dit, rahimahullah, nous n'allons pas lui crier dessus, mais plutôt nous allons le laisser pour l'attraper lorsqu'il finit. Et à ce moment, nous allons lui dire: ô mon frère, est-ce le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus en capacité de te répondre ou bien Allah? Le cheikh, il dira forcément c'est Allah. Donc nous allons lui dire alors d'invoquer Allah seul et de ne pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est mieux pour lui que d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne peut pas protéger ni accorder un bien, et il ne connaît pas l'invisible. Le cheikh, il dit ensuite, lorsqu'il sera apaisé, nous lui montrerons que ceci est du shirk, et que s'il meurt sur cette action, il sera parmi les gens du feu. Fin de citation. Le cinquième enseignement, lorsque l'impureté se trouve au sol, il suffit de jeter de l'eau pour purifier l'endroit. D'accord? C'est-à-dire, il suffit de jeter une quantité d'eau donc supérieur, donc à l'impureté, pour purifier l'endroit. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'on jette un seau d'eau, mais il n'a pas ordonné qu'on frotte à l'endroit de l'impureté. Mais il est bon, ikhwan fillah, de préciser que ceci est dans le cas où l'impureté n'est pas solide. Car si l'impureté est solide, telle que les excréments par exemple, il faut d'abord enlever l'impureté, ensuite nettoyer l'endroit où était l'impureté. Donc on fait la différence entre une impureté qui est solide. D'accord, l'eau, comme vous le savez, c'est liquide, ce n'est pas quelque chose de solide. Donc lorsque l'impureté, elle est solide, c'est différent. D'accord ? Ici, on enlève l'impureté. Ensuite, on nettoie l'endroit où était l'impureté. Sixième enseignement, purifier les mosquées des impuretés n'est pas une obligation individuelle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de s'en charger, mais il n'a pas participé à cela. Et si cela aurait été une obligation individuelle, il aurait été le premier à participer à la purification de l'impureté. Le septième enseignement qu'on tire de ce hadith, c'est l'impureté de l'urine. Car lorsque le bédouin a uriné dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, d'accord, qu'on jette un seau d'eau donc sur l'urine de ce bédouin. Le huitième enseignement, il convient à celui qui réprimande le blâmable de mentionner la cause. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans certaines versions du hadith, il a mentionné au bédouin pourquoi il n'est pas permis d'uriner dans la mosquée. Et ceci, ikhwani fillah, est une bonne leçon à tirer pour les parents. Car des fois, ils interdisent des choses à leurs enfants ou les blâment par rapport à certaines choses sans leur mentionner la raison. Et ceci est une erreur. Imaginons qu'un jeune viendra à fumer, qu'Allah préserve nos enfants. Dans ce cas de figure, si on viendrait à le blâmer, il serait bon de lui dire que dans l'islam, tout ce qui nuit à la santé est interdit, tel que l'alcool, la cigarette, la drogue et autres. Mais ne pas seulement lui dire « ne fais pas ça » sans lui mentionner la cause. Sans lui mentionner la cause. Le neuvième enseignement, il est obligatoire que l'endroit où l'on prie soit pur. Mais ici, quelqu'un pourrait poser la question suivante. Est-ce qu'il est obligatoire que l'ensemble de l'endroit où on prie soit pur, ou bien juste l'endroit qui va être en contact avec notre corps et notre vêtement? Et la réponse à cette question, il suffit que l'endroit où notre corps et notre vêtement va être en contact soit pur. Ici, on va donner un exemple. Imaginons que Zayd, donc il va prier sur un tapis, dont son extrémité est souillée par de l'urine, mais qu'il ne va pas toucher cette partie avec son corps et son vêtement. Ici, ou plutôt son corps ou son vêtement. Donc ici, il n'y a pas de mal qu'il prie sur ce tapis, et sa prière, elle est valide. Et les savants, ils disent même que si une personne viendrait à prier devant une impureté sans la toucher, de telle sorte que lorsqu'il se prosterne, l'impureté se trouve en face de sa poitrine, sa prière reste valide. Mais ils ont attiré l'attention sur un point essentiel. Ils ont dit qu'il n'y a pas de doute, qu'il ne convient pas à la personne de prier dans cette situation. Même si sa prière elle est valide, d'accord, ça, c'est pas correct de faire ce genre de choses. Car ceci est un manque de comportement. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux prieurs de cracher devant eux, car ceci n'est pas un bon comportement et une bonne attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dixième enseignement, c'est la miséricorde et la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'a pas fait preuve de dureté avec le bédouin, malgré qu'il ait fait quelque chose de blâmable. C'est pour cela que la base dans le prêche, c'est la douceur et la miséricorde. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.